Eh bien, mon frère, qu'est-ce? Comment vous portez-vous? Ah, mon frère, fort mal. Comment fort mal? Oui, je suis dans une faiblesse si grande que cela n'est pas croyable. Oh, voilà qui est fâcheux. Je n'ai pas seulement la force de pouvoir parler. J'étais venu ici, mon frère, vous proposer un parti pour ma nièce Angélique. Mon frère, ne me parlez point de cette coquille-là. C'est une friponne, une impertinente, une effrontée que je mettais dans un couvent avant qu'il soit de jour. Voilà qui est bien. Je suis bien aise que la force vous revienne un peu et que ma visite vous fasse du bien. Mais au ça, nous parlerons d'affaires tantôt. Je vous amène ici un divertissement qui dissipera votre chagrin et vous rendra l'âme mieux disposée aux choses que nous avons à dire. Je suis sûr que vous y prendrez plaisir. Et cela vaudra bien une ordonnance de M. Purgon. Allons